Bien, j'étais déjà dans l'armée, puisque j'ai été appelé en août 1954, et que les événements qui ont déclenché la guerre d'Algérie se sont passés à la Toussaint 54. Donc j'étais déjà militaire pendant, ça faisait déjà